Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et, encore une fois cette semaine, le grand voyageur est de retour. Un gars qui a pris des belles petites photos avec un beau petit casque sur la tête car il était à Terre-Neuve pour l'essai d'un nouveau produit Ford. Et j'ai nommé Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. As-tu ramené ton petit casque avec toi? Est-ce que c'était un cadeau ou ça a resté là-bas? Non, c'était évident que j'ai ramené le petit casque. OK. Non, sérieux. Écoute, quoi? Mais si vous n'avez pas vu, ça vaut la peine. Ou pas, là, ça dépend. Non, moi je trouve que ça vaut tout à fait la peine OK. De me voir. Mais vous êtes chanceux mon cher, j'ai gardé mon dentier. J'aurais pu l'enlever aussi. Ouais, non, ça, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Donc, c'est bien. Mais non, ça, vous allez voir ça sur la page Facebook de Marc, là, son beau petit chapeau de pêcheur, là, c'est quelque chose. Ça, ou quand j'ai franchi la morue, Ouais. ça aussi, c'est particulier. Qui est une espèce de rite de passage. Hein, En fait, c'est une tradition à Terre-Neuve, on appelle ça se faire screecher. OK. Se faire screecher, c'est que le screech est une espèce de rhum à très forte concentration d'alcool. On parle d'au-dessus de 50% d'alcool. Ouais, faut en prendre une coupe de verre avant de vouloir embrasser un poisson, ouais, là, mais... Et c'est toute l'histoire, en fait, c'est qu'on dit que, bon, tu dois te faire screecher pour devenir un citoyen honoraire de Terre-Neuve. Alors, tu es là, et là, tu as une espèce de gars habillé en capitaine ou en matelot qui vient faire un beau speech, qui t'explique tout ça, qui te fait goûter au steak de Newfie. Le steak de Newfie, c'est du ballonné. OK. Parce qu'on dit que là-bas, à l'époque, ça coûtait tellement cher d'avoir du ballonné que c'était préférable de manger du homard parce qu'il fallait qu'il l'importe, fallait qu'il importe le ballonné de la terre alors que le homard, il l'avait importé de main. OK. Donc, pour eux autres, c'était un élément de luxe ou presque à l'époque. Et encore aujourd'hui, ils en mangent beaucoup. Semble-t-il, selon une donnée qui nous a donnée, que je peux mettre en doute, mais quand même, 70% du Bologne fabriqué pour le Canada est vendu à Terre-Neuve. OK. Bon, c'est sûrement pas chez nous, parce que moi et la Bologne, on s'entend pas super bien. C'est pas... À moins quand c'est grillé, ça passe, mais ça passe. En tout cas, bref, tout ça pour dire que tu fais ça, après ça, tu prends un verre de screech. Pour enlever la saveur, j'imagine. Et après ça, tu donnes un bec à une morue, okay. Qui heureusement est une morue congelée quand même. Là. Okay. Et après ça, ben, tu reçois ton certificat de Terre-Neuvien honoraire. Bon, avec ta belle petite photo et avec ton petit chapeau. Ouais, ben non, ça c'est la petite photo avec le... Okay, le capitaine, okay. C'est ça, avec la morue. Okay. Le chapeau, c'était un cadeau de Ford qui, évidemment, voulait se moquer un peu des journalistes, je pense. Fait qu'ils nous ont tous donné ça. Et évidemment, on s'est tous amusés à faire des photos incroyablement sexy. Bon, ben, c'est super. Mais c'est ça, t'es pas allé juste là pour avoir une aventure avec une barbotte ou peu importe. T'es allé là pour essayer le nouveau Ford EcoSport. C'est comment? Moi, je veux dire tout de suite, la première affaire qui m'accroche, c'est qu'on a repris la porte de grange pour la porte arrière, ce que Toyota s'était débarrassé. Ford a dû ramasser ça quelque part, puis ils ont décidé de mettre ça après l'EcoSport. C'est la seule affaire qui m'accroche. Je suis pas capable, je trouve que c'est pas une bonne idée. Mais bon. Ben, en fait, honnêtement, moi non plus, je pense pas que ce soit une bonne idée quand on va l'utiliser dans des conditions de ville. Ouais, ça sera pas facile d'aller dans un stationnement d'épicerie puis essayer d'ouvrir ça sans s'accrocher partout. Non. Effectivement, c'est pas une bonne idée. C'est quelque chose qui est, je sais pas pourquoi. En fait, on a essayé de nous dire à quel point c'était bon là, mais sincèrement, vraiment pas. C'est pas quelque chose de le fun. Je sais pas trop comment le décrire même, mais en même temps, ça permet d'avoir un accès facile à l'espace de chargement. Espace de chargement qui est correct en passant là, et qui permet. Bon, on a mis une espèce de plancher que l'on peut bouger. Donc ça aide un peu, là, ça contribue à faciliter l'accès puis à diviser l'espace en arrière. Okay. En soi, c'est intéressant. C'est pas, comme tu dis, la porte, c'est le plus gros problème. Pour le reste, ben, je pense que ça passe assez bien au niveau de l'espace de chargement. Okay. Au moins, les sièges arrière peuvent se pencher, devenir à plat. Ça aussi, ça contribue à améliorer l'espace de chargement. Parce que, on doit le dire, l'espace au siège arrière, pour des passagers, faut pas que tu les aimes beaucoup. OK. Ou que ce soit des enfants, finalement. Là, si tu veux. Ouais. Okay. Écoute, moi, je suis pas très grand, là. Mm-hmm. Puis derrière moi, il y avait à peine la place pour embarquer quelqu'un, mais vraiment à peine. Là. OK. Ouais. C'est pas... l'espace arrière est pas très vaste. C'est pas terrible. Pour le reste, C'est pas un mauvais véhicule. C'est un véhicule qui arrive avec deux motorisations différentes, un moteur 2 litres de 167 chevaux, un moteur de 1 litre EcoBoost 3 cylindres de 123 chevaux. Petit moteur qui s'est avéré, ma foi, extrêmement silencieux. OK. C'est Ça, pas ce ça qu'il y m'a avait dans beaucoup. la Focus à un moment donné ou qu'il y a dans la Oui, Focus, le 3 cylindres. effectivement. OK, c'est bon. Effectivement, et c'est un moteur qui a été encensé un peu partout. C'est un moteur qui fonctionne super bien, qui est d'une grande souplesse. Évidemment, c'est pas puissant, là, mais pour être franc, le 2 litres l'est pas plus. OK. On était à Terre-Neuve, on était dans les côtes. Là, tu essaies de dépasser. M'en dire, il faut que tu calcules d'avance parce que c'est pas simple, vraiment. Par contre, je te dirais que le 1 litre, à ce point de vue-là, pour moi, m'est apparu plus dynamique en fait que le 2 litre. Demande-moi pas pourquoi. Je pourrais pas te le dire, là. OK. Mais je trouvais que le 1 litre était plus agréable et plus le fun à conduire que le 2 litres au niveau de la puissance pure. Surtout que, comme je l'ai dit, le 1 litre est hyper silencieux. Le 2 litres, quand tu le forces un peu, il est un peu moins silencieux. OK. Tu l'entends beaucoup à l'intérieur et ça, c'est passablement désagréable. Les deux sont jumelés à une boîte 6 vitesses automatique. Donc, en partant, il n'y a pas beaucoup de choix là. Non. La particularité, c'est que les 1 litre sont tous traction. OK, Okay? pas de traction intégrale avec ça. Non, seulement le 2 litre est disponible en version en traction intégrale. OK. Par contre, il est disponible dans toutes les versions là, en traction intégrale. Tu sais, des fois, tu as juste les versions haut de gamme, là, mais dans leur cas, toutes les versions sont disponibles en traction intégrale, sauf que faut que tu optes pour le moteur 2 litre. OK, donc tu prends un modèle de base, mais il faut que tu demandes le moteur 2 litres, puis là tu peux avoir la traction intégrale si tu veux. OK, bon. Au Exactement. moins c'est offert, fait que c'est quand Oui, même c'est pas ça. si pire. Non, non, c'est quand même intéressant. On dit que c'est capable de remorquer jusqu'à 2000 livres, ce qui est quand même surprenant pour un véhicule de cette taille-là. Ouais. La conduite est intéressante, l'habitacle intérieur n'est pas vilain, c'est facile d'accès, c'est, je veux dire, tu sais, il n'y a pas de... On s'entend pour dire que ce n'est pas d'une grande complexité non plus. Système SYNC 3 qui est disponible là-dessus, ça c'est probablement un des meilleurs encore. Je trouve que du point de vue des systèmes multimédia, les Américains sont vraiment bons, là. Ouais. Et le Ils SYNC... se sont beaucoup améliorés, là. Oui, tu as le SYNC de base sur la version de base avec un plus petit écran, puis tu as le SYNC 3 qui arrive avec une version avec un écran plus imposant. Tu peux même avoir un système sonore B&O, vraiment avec 9 haut-parleurs. Donc ça fait vraiment le travail et c'est vraiment intéressant. Mon problème, en fait, il est à deux niveaux. Bon, tu l'as mentionné, la porte arrière. Le look, honnêtement, tu sais, c'est fait sur la plateforme de la Fiesta, c'est pas très gros. Le look, il a l'air quand même d'un véhicule qui date de quelques années. Il faut dire que c'est le cas. C'est un véhicule qui date de 2012 dans d'autres pays. Nous, on l'a à peine, mais il est vendu partout ailleurs depuis longtemps. Ouais. Donc, on aimerait bien ça l'avoir ailleurs et plus moderne, mais pour le moment, c'est un peu difficile de le faire. L'autre élément qui me dérange, c'est le prix. Écoute, C'est souvent le j'ai... cas avec ces petits véhicules-là, hein? C'est que, ah, c'est cute, un petit VUS, hein, combien? J'ai essayé le 2 litres, le full équipe, si tu veux, là, Ouais. avec le 2 litres all-wheel drive, avec la plus haute, le titanium, là. Est-ce qu'on a de du cuir et tout ça dedans, ouais? Oui, mais c'est 34 000 piastres. Oh. Ça commence à être des sous pas mal pour une Fiesta haute sur pattes, là. Comme mon père dirait, c'est presque le prix d'un vrai char. C'est chiant, ça! Mon père dit souvent ça quand je lui donne les prix des petites autos. Il dit, mon Dieu, c'est quasiment le prix d'un vrai char. Ouais, non, mais t'es Mais... pas loin du prix d'un Escape bien équipé quand même, rendu là. Puis t'as plus Effectivement. d'espace, puis t'as, tu sais, je veux dire. Effectivement, c'est exactement dans le même créneau que l'Escape. C'est d'ailleurs ça qui m'a étonné le plus. Donc, est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est un bon véhicule. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est un véhicule intéressant. Est-ce que pour autant, à ce prix-là, il va s'en vendre des tonnes? Moi, je me permets d'avoir un solide doute, là, tu sais. Ouais. Mais théoriquement, c'est pas le type de véhicule que les gens vont chercher le plus équipé. La majorité des gens vont aller chercher un milieu de gamme, là. T'sais, quelque chose aux alentours de 28, peut-être, là, 27, 28 000, là, dans ces eaux-là. Les gens qui vont se promener avec des titaniums sont plutôt rares, d'après moi, là-dedans, là. Effectivement, hein? Mais n'empêche que c'est assez spectaculaire quand même de voir. Écoute, j'ai pas conduit un char en bas de 28 000, là. Ouais. T'sais, ce qui est quand même étonnant pour un véhicule de cette nature-là. En tout cas, bref. Mais ils ont dû faire une étude de marché, ils ont dû s'apercevoir qu'ils étaient compétitifs avec les autres dans ce créneau-là, ou juste, tu sais, ils pensent que parce que ça a le nom Ford, ça va pouvoir se vendre, même si c'est un petit peu plus cher, là, mais je sais pas. Puis ils cherchent à aller contre quoi? avec ça, les Honda HR-V et ces choses-là, là. Exactement. C'est HR-V qui est leur grosse cible. Le Kona un peu, mais encore une fois, du point de vue HR-V, en tout cas, je trouve qu'il est beaucoup plus spacieux, tu sais, Ouais. pour un prix qui est quand même intéressant. Puis après ça, ben, le Kona, il est beaucoup moins cher. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pas un vilain véhicule, loin de là. C'est même un véhicule, ma foi, plutôt agréable à conduire et on s'est bien amusé sur les routes de Terre-Neuve. Mais je peux te confirmer qu'à ce prix-là, ça y risque d'avoir un peu de difficulté. Puis, ben, les moteurs manquent un petit peu de oomph pour vraiment être super agréable. Ouais. Mais malgré tout, je te dis, le 1 litre m'a beaucoup impressionné. Reste à voir ce que ça va donner parce que même le 2 litres au niveau de la consommation d'essence, écoute, on n'a pas conduit en fou, là. Puis on était à 10,5. Mais comme je te dis, avec mon Escape 2 litres turbo, j'ai fait 11 litres dans ma semaine. C'est Fait que ça. c'est l'économie d'essence que Ford ont de la misère un peu avec. Va falloir qu'ils travaillent un peu ce côté-là parce qu'ils offrent des bons véhicules, mais l'économie d'essence est juste pas là comparativement aux compétiteurs. Effectivement. C'est peut-être ce qui manque un peu là. Bon, ben c'est bon pour l'EcoSport. Tu voulais aussi nous parler de vélo électrique? Oui, parce que j'ai décidé, excusez, j'ai un nouvel ordinateur qui a décidé qu'il faisait des siennes et qui m'amène toutes sortes de notifications que j'essaie d'enlever en vous parlant. Donc, à chaque petit clic que vous entendez, là, c'est Marc qui essaye de se sauver d'une notification. Ah, ça n'a pas de bon sens, il y en a plein partout. Alors, oui, j'ai troqué mon guidon pour mon volant pour un guidon pendant quelques jours. OK. La semaine passée. Bon, c'est grâce à des amis, là, Vertige Véloski, qui est une boutique ici à Saint-Hyacinthe. C'est un vélo électrique. C'est un Giant e-Explorer. Un véhicule qui est, ma foi, surprenant. OK. Moi qui n'ai pas, on s'entend, je n'ai pas une shape de sportif tant que ça. Hein? Je me force de le faire, mais pas tant que ça. On peut dire ça. C'est ça. Alors, il y a une batterie qui lui permet d'avoir, dans les modes les plus économiques, jusqu'à 140 km d'autonomie. Wow, c'est quand même pas pire. Ouais, mais évidemment, c'est pas de mobylette, là. C'est-à-dire que tu pèses pas sur le gaz puis ça avance. Faut que tu pédales. Ce que ça fait, c'est que ça vient te donner, un peu comme une hybride, ça vient te donner un support quand tu pédales. T'as cinq modes, là. Ça va du mode écono au mode sport plus. Sport plus, évidemment, ton économie est considérablement réduite. On parle d'à peu près 80, peut-être un peu moins, 60 km d'autonomie. Mais, écoute, moi qui suis pourtant un miochon carabiné à ce niveau-là, j'ai réussi à rouler 35 km/h sans trop de difficultés. Et j'ai fait des distances que même moi, je ne m'attendais pas à faire. Oui, tu travailles quand même, tu es un peu essoufflé, mais tu as cet avantage-là de pouvoir augmenter considérablement la distance que tu parcours en vraiment peu de temps. Honnêtement, ça s'appelle le Giant E-Plus Explorer. Ça se vend presque 3 000 $ cependant, c'est 2 899, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça se conduit comme un vélo, ça se comporte comme un vélo, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un peu plus lourd, mais une fois que tu es parti, tu es en mode sport, tu as les vitesses, bien entendu, que tu peux changer. Tu peux adapter ça comme n'importe quel vélo, et ma foi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je voulais vous en parler parce que je vais essayer de le garder. J'ai essayé de le garder pour une couple de jours de plus parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais ça vaut la peine d'être essayé. Si vous n'avez jamais fait ça, si vous êtes amateur de vélo puis que vous avez envie de faire des longues distances, sans nécessairement devenir membre du Tour de Lille ou du Grand Défi Pied à la Voix, je pense que c'est une belle opportunité. Super, Marc. Donc, on va faire une petite pause et puis on va revenir tout de suite après avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu as essayé une voiture que, bon, j'avais essayé dans différentes versions, sauf présentement pas encore la version branchable, la Hyundai Ioniq PHEV. Branchable qu'effectivement, que j'ai beaucoup aimé, honnêtement. J'aime la Ioniq, il faut dire, parce que ce qu'elle a d'avantage sur les autres, c'est que c'est pas, moi je pourrais dire, c'est pas une soucoupe volante, là. Non, non, non. Tu n'as pas l'impression de conduire quelque chose qui est arrivé de l'espace en ligne droite, là. C'est vraiment cool. Ouais. C'est un beau véhicule, qui a un beau style, qui a un beau look, qui est intéressant à regarder Ouais. et qui se conduit bien aussi. Mais ça ressemble beaucoup à une Elantra. C'est Ouais, c'est franchement ça. l'agrément de conduite, le design un peu, là, ça ressemble C'est beaucoup à une ça. Elantra. Évidemment, moi j'avais la version branchable, donc 104 chevaux avec le moteur à essence, 60 chevaux avec le moteur électrique, 7 h 30 de recharge si tu n'as pas de borne de recharge comme moi. La beauté, c'est que cette fois-ci, elle a fonctionné. Parce que rappelle-toi que la dernière fois, c'est avec elle que j'avais fait le tour de mes voisins. Parce que ça marchait une fois sur quatre, genre. En tout cas. Est-ce qu'ils ont enlevé leurs avis de restriction sur toi? Est-ce que tu as le droit de les approcher maintenant ou Oh oui, c'est ça l'air, pas? là, on OK. dirait. Là, ça fait deux, trois électriques que je conduis, puis j'ai pas de problème. OK, c'est bon. Fait que, mon Dieu, c'est soit que les voitures s'améliorent ou soit que moi j'ai compris quelque chose. Mais en tout cas. Un empêche pas l'autre, mais oui. Non, c'est ça. Alors, évidemment, donc, c'est un véhicule qui est, de ce point de vue-là, intéressant. 45 km d'autonomie, c'est pas mal le mieux que j'ai été capable de faire. OK. Je l'admets, j'ai pas fait particulièrement attention. J'ai pas conduit en fou non plus, comme tous les véhicules électriques. Le fun, c'est de regarder dans le tableau de bord à quel niveau circule l'électricité puis essayer de l'aménager le plus possible. J'ai fait ce que je pouvais de ce point de vue-là, mais c'est pas nécessairement toujours une réussite. En tout cas, tout ça pour dire que ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que c'est facile, que c'est sûr qu'il faut que tu sois discipliné, comme pour n'importe quelle voiture électrique. Quand tu arrives, il faut que tu la branches. Parce que si tu ne branches pas, ben, la consommation d'essence va être à côté dans le plafond, là. Ouais. Pas tant que ça, mais bon. Ouais, c'est quand Bref. même une hybride si tu la si elle manque d'électricité pour le mode totalement électrique. Donc, tu vas quand même sauver, mais pas autant. C'est sûr que Alors, ça là, j'ai change. fait 3,9 litres au 100 de moyenne, hein, Ouais, ce qui est très dans ma bien. semaine. Ce qui est très bien. Et puis, j'avoue honnêtement que je l'ai branché la plupart du temps. OK. OK, pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est bon. Donc, ça a quand même fait un bon. T'sais, pour moi, ça, c'est intéressant. Autre intérêt, ben, c'est l'espace intérieur qui était bien correct. L'espace de chargement qui est limité par les batteries, quand même. T'sais, c'est pas très haut comme espace. On a réussi quand même à aller chercher un filtreur de piscine qu'on a glissé à l'intérieur dans une boîte en carton. Mais il fallait aussi amener, t'sais, le sable qui va dans le Ouais, les filtreur de poches de piscine. sable, ouais. Ouais. Et on a traîné 250 livres. Et je peux te dire que la voiture a abondamment souffert. Ouais, mais j'imagine, c'est pas son but premier. Non, mais 250 livres, c'est pas. Non, non, non, Excuse-moi, non, là. non. Non, non, c'est pas Il n'y a pas beaucoup. si longtemps, je pesais plus que ça, là. Fait que, tu sais, on s'entend pour dire que 250 livres, c'est pas énorme comme poids en charge, mais c'était quand même. Ça affectait considérablement les accélérations, on l'a senti. Autre élément qui n'a pas vraiment plu à mon épouse, c'est qu'elle est plus grande que moi, pas mal. Et quand elle s'est assise, ben elle s'accrochait toujours parce qu'on avait la version avec le toit, bien sûr, avec le toit ouvrant, là, quand elle arrive, et elle était toujours accrochée dans le plafond. Ouais, Pour elle, c'était vraiment pas une bonne hauteur. mais j'avoue m'être assommé sur un joyeux temps à un moment donné. Je pense que la deuxième fois, je me suis assis dedans. Je me suis assis un peu trop vite, puis je me suis aperçu que le toit était un peu bas. Puis je me suis accroché le côté de la tête juste dans le cadre de porte, là. Mais oui, Ouais. faut jauger un peu parce que c'est un peu bas. Mais un coup qu'on est dedans, c'est correct, là. Mais Oui, c'est un peu. d'embarquer des fois, Exactement. ouais. Donc, c'est l'accès à bord qui n'est pas facile, l'accès à bord en arrière qui n'est pas facile non plus. Mon très grand fiston de 6 pieds 3, lui, a pas apprécié pantoute non plus. Donc, ça, c'est un peu difficile, évidemment. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui vaut la peine. Si vous cherchez un compromis intéressant en matière de voiture électrique, je pense que c'en est un. Admissible à l'aide financière de 4 000 $ du gouvernement, batterie lithium-ion en polymère, 8,9 kWh. Tu sais, c'est comme ça va bien. Ça prend 2 heures et demie à peu près de recharge si on a une borne à la maison. Tu sais, ça fait quand même le travail. C'est une belle voiture qui est à 32 000 $ ou à peu près, là. Donc, c'est quand même pas, tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est moins cher que ton EcoSport. C'est moins cher que mon EcoSport, effectivement. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que ça m'a fait, oh, wow, j'en veux une? Non. Je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Tu sais, je sais pas, comme je te dis, je trouvais qu'elle avait beaucoup de petites. Rien de majeur, mais toujours des petits irritants, là. Comme je te dis, la ligne de toit qui n'est pas là, l'espace de chargement qui est difficile d'accès, l'espace arrière qui n'est pas agréable pour y aller. Le manque de puissance vraiment, aussitôt qu'on la sollicite un peu trop. Tu sais, ce genre d'affaires qui, sans être des points majeurs individuellement, cumulés font que, un fun, un bien, mais ce ne serait pas nécessairement mon choix dans cette catégorie-là. Ouais. À date, moi, dans la Ioniq, c'est la version toute électrique que j'ai préférée. Juste pour ce qu'elle offre, là, quand même beaucoup d'autonomie, presque 200 km. Le coffre est quand même assez grand parce qu'on a mis les batteries ailleurs. T'as pas juste, t'sais, t'as, tu perds pas, il me semble, tant de valises que ça. Mais moi, c'est la version hybride régulière qui m'avait impressionné côté espace parce que j'avais réussi à mettre, je pense, ces 6 pneus. Dedans, parce que c'était le temps des changements de pneus. J'avais réussi à mettre 6 pneus dans le coffre, fait que de raquer un à côté de l'autre, puis deux autres en arrière, puis j'avais fermé le coffre, j'étais comme wow! T'sais. Ouais. Mais côté efficacité de l'hybride uniquement, pas rechargeable, je l'avais trouvé moyenne. Ça m'avait pas impressionné. Mais c'est un véhicule qui est quand même complet. Là, puis pour ce que c'est une belle offre. Oui, effectivement. Ouais. C'est ce que je te dis. C'est une belle offre. Mais est-ce que j'aurais envie d'aller voir ailleurs? Oui, probablement. Ouais. Parce que j'ai besoin d'autre chose. Oui, oui. Peut-être que tu as la Toyota Prius Prime qui fait très bien aussi dans le modèle hybride rechargeable. Puis tu as beaucoup d'espace. Puis tu te sens pas pris dans la Prius Prime. Tu as quand même beaucoup d'espace. Effectivement. Et je peux te dire que mon épouse vient de rentrer dans mon bureau où j'enregistre et elle m'a fait un geste sans équivoque à l'égard de la Ioniq. Elle n'a pas trippé dessus, mais alors là, pas du tout. OK, c'est bon. Ouais, on a le droit. Toi, tu as essayé autre chose, Taylor. Moi, quelque chose d'un peu plus palpitant à conduire. C'est rare que je fais ça. Normalement, j'essaie de finir ma semaine avant de parler d'un véhicule pour passer la fin de semaine et avoir le temps en famille dedans et tout ça. Mais cette semaine, je vais faire une petite exception parce que je suis au volant de la toute nouvelle Kia Stinger. Voiture qui, ma foi, impressionne beaucoup. Autant par son design, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouces en l'air et de commentaires sur la voiture, comme quoi elle est belle, puis elle a une allure agressive, puis c'est vrai, là. Côté design berline sport, là, c'est difficile à battre. Juste l'ensemble, le design général, puis c'est pas quelque chose qui est flamboyant, là. Ça n'a pas le design peut-être d'une Cadillac ATS-V avec des bavettes puis un aileron puis tout ça, là. Mais c'est vraiment sobre, mais quand on la regarde, on voit que c'est quelque chose de différent puis de spécial. Puis la version que j'ai, c'est une GT qui commence à 46 095 $. Il y a une GT limitée aussi qui est 51 895 $. T'sais, mais c'est une voiture qui a un design incroyable. À l'extérieur, on a des prises d'air, on a des sorties d'air pour les freins, on a des freins Brembo rouges, puis comme je disais, celle que j'ai est entièrement noire avec des jantes noires aussi, puis il y a juste les freins rouges qui ressortent, puis l'intérieur est couleur rouge brique. Donc ça fait changement de l'espèce de toujours noir sur noir qu'on voit partout. Là. On dirait qu'aussitôt qu'on met une voiture un peu plus luxueuse, à part là, des fois où on va mettre des intérieurs beige ou quelque chose comme ça. Ben, c'est là, souvent on a beige. Mis... Ça dépend lesquels, mais il y en a qui sont souvent beige. Là. C'est ça. Souvent, c'est beige ou un brun ou un tan. Mais là, vraiment, on est allé avec un intérieur rouge. On a daigné sortir de ce qui est le classique, vraiment. Là. Puis ça donne vraiment une allure incroyable à la voiture. Puis à l'intérieur, le siège chauffant, ventilé, volant chauffant. Je me suis servi surtout des sièges ventilés. Mais c'est drôle parce qu'on est dans le temps de l'année où le matin, tu te sers des bancs chauffants pour partir. Puis le soir, tu te sers des bancs ventilés pour t'en revenir. Parce que la température change tellement dans une journée. Puis il y a différents modes de conduite. T'as un mode éco où la voiture est tranquille, puis même si t'as quand même des bonnes accélérations, si t'écrases un peu l'accélérateur, mais le son du moteur est pas assourdissant, puis tout ça. Mais non, mais t'as quand même une bonne sonorité. Oh, yeah. Mais si tu la mets en mode sport, la voiture se déchaîne. Et puis c'est pas... Comme je disais, c'est pas au point d'une Cadillac ATS-V qui a 100 chevaux de plus puis presque 100 livres pieds de coupe de plus, mais c'est tellement suffisant pour donner des accélérations monstres. Puis la voiture se comporte bien aussi. Là, on a une bonne sensation de conduite. La direction est précise. C'est vraiment difficile de trouver un défaut à cette voiture-là. À part peut-être, la seule chose qu'on peut dire, c'est le prix. Mais c'est une voiture qui vaut le prix qu'on la vend. Là. Non, mais c'est ça. T'sais. On se calme, c'est 45 000 piastres. Ouais, mais c'est hors budget pour beaucoup de gens. C'est la seule chose. Je comprends. Mais sans vouloir être plate, tu t'achètes une voiture sportive. Non, oui. C'est pas mal dans la catégorie. Parce que en bas de ça, dans cette catégorie-là, il n'y a pas grand-chose. Là. Non, c'est ça. C'est une berline sport. Mais oui. C'est confortable. Puis normalement, les berlines sport, on va se faire brasser un peu le dentier. On va aller sur des petites routes. Puis les routes du Québec, tout le monde connaît ça. Là, où c'est pas toujours jojo. J'ai eu des mauvaises routes en allant au travail le matin. Puis franchement, là, c'est quand même très, très confortable. Là. On se fait jamais trop brasser. Peu importe le mode qu'on met la voiture, que ça soit sport, que ça soit confort, que ça soit éco, on se fait pas brasser plus. On fait juste réveiller comme les rapports de transmission, puis on fait juste réveiller ces choses-là, réveiller le moteur, puis aller chercher sa pleine puissance. Mais c'est vraiment, vraiment agréable à conduire. Là. C'est... puis c'est un beau véhicule. J'ai eu plein de pouces en l'air, puis plein de gens qui ont commenté comme quoi que c'est vraiment beau, puis que Kia a vraiment pas manqué leur coup avec cette voiture-là, tu sais. C'est un beau véhicule. Puis là, on parle d'un véhicule, un 6 cylindres de 3,3 litres, 365 chevaux, 376 livres-pieds de couple. Donc, c'est amplement suffisant pour avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Toutes les système d'aide à la conduite sont là. Le régulateur de vitesse adaptatif, la détection de changement de voie et tout ça, c'est tout inclus dans cette voiture-là. Je veux dire, c'est vraiment un beau véhicule. Puis on l'avait vu, Marc, au lancement. C'était à Toronto. Dans Toronto, je n'étais pas là cette année. Il l'avait à Montréal cette année aussi. Puis, tu sais, en la voyant, tu voyais que c'était un véhicule qui était joli. Mais tu sais, on se disait, bon, ça va se comporter comment un coup sur la route, mais il n'y a aucun problème là. Il n'y a aucun problème là. Ça fait longtemps que Kia nous proposait ça. Écoute, en 2012, moi j'étais allé au salon de Francfort et on nous avait présenté une Kia GT à cette époque-là. C'est Peter Schreier qui l'avait fait. Mm-hmm. C'était un prototype. Puis il disait, un jour ça va arriver, puis personne ne le croyait. Je pense qu'on était mieux de le croire là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas un marché, c'est un marché niche, là. C'est pas tout le monde qui va se lancer dans un véhicule comme ça, mais tu sais, j'avouerais que certaines personnes qui pensent peut-être aller vers une berline dans les quarantaines de mille dollars pourraient aller voir ça puis être vraiment intéressées. Effectivement. Parce que même, tu sais, on a l'agrément de conduite, c'est agréable à conduire puis elle est vraiment belle. Puis sortir du lot aussi à un moment donné, c'est que tu sais, dans les berlines sportives, c'est pas mal toujours la même chose qu'on voit sur la route, tandis que là, mais ça, c'est une offre différente. C'est peut-être ce qui a fait aussi que les gens m'ont fait des pouces en l'air puis ont fait des commentaires, c'est qu'ils l'ont vu moins souvent. Mais l'affaire vraiment, vraiment drôle, je quittais Kia avec, j'ai pris la 40 pour m'en venir chez nous, et puis il y en a une identique qui a passé juste à côté de moi. Le monsieur a ralenti, m'a fait un pouce en l'air, puis a accéléré. Je me suis mis en arrière de lui, puis je l'ai suivi. Là, je veux pas péter ta bulle, mais t'es conscient que c'était pour l'auto, le pouce en l'air. Hein? Je suis parfaitement conscient de ça. C'est ni pour mon minois, ni pour ma shape d'Adonis, ça, c'est certain. Ou ma shape d'Adon, mettons. Mais... t'as toute une shape d'Apollon, c'est parce que t'en as pas long. En tout cas, c'est correct. Ça va aller. C'est beau, on va... On va arrêter là-dessus. Donc, Marc, on va prendre une dernière petite pause, puis on va terminer avec le bloc nouvelle. De retour de cette courte pause, et Marc, c'est l'heure du dernier bloc, le bloc nouvelle. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ben, dans la série des nouvelles qui pourraient être intéressantes à terme, comme tu le sais, actuellement, arrive chez les concessionnaires le Veloster. Le nouveau Veloster 2019, qui est un peu modifié, qui a des changements et tout. On sait aussi qu'il va arriver un peu plus tard dans l'année en version N. Ouais. N, c'est la division de performance de Hyundai et on nous promet que le Veloster va être plus puissant, plus bon. Sauf que pour le moment, c'est le seul véhicule dont il était question qui arrive en version N. Or, il semble que ça se pourrait que l'on ait un Kuna en version N. Ça pourrait être bien. Ce qui pourrait être très bien. En fait, pour le moment, ce qu'on dit en Europe, c'est qu'il y a déjà... C'est déjà fait. On a déjà un prototype du Kona N sur lequel on a greffé le moteur de la i30 N qui est disponible en Europe. La i30, en fait, c'est notre Elantra GT. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Sauf que là-bas, elle fait comme presque 300 chevaux. Là, on a ramené ça à 250 chevaux. Okay. Et donc, on dit que le prototype est déjà existant. On attend seulement l'autorisation et on pourrait le commercialiser bientôt, donc d'ici un an ou deux. Okay. Donc, imagine le Kona qui est déjà un vif succès qui pourrait arriver en version N, ça risque d'être assez intéressant. Ouais, mais le Veloster aussi d'un côté, parce que je pensais que c'était, il n'y a pas si longtemps, j'étais certain que c'était un véhicule qui ne verrait pas une autre génération, parce que Hyundai ne l'a pas vraiment renouvelé. Tu sais, il n'y a pas de nouvelle version. T'sais, on a renouvelé l'Elantra, on a renouvelé l'Accent, on a renouvelé les VUS, mais le Veloster, on n'entend pas parler. Puis à un moment donné, pouf, ils nous sortent une photo d'un Veloster en version N, là, d'un espèce de bleu. Il était bleu et orange, si je me rappelle. Un peu comme les voitures Golf. Là. Exactement. C'est le voilà. Mais c'est parce qu'on ne l'a pas renouvelé. On n'a pas la nouvelle calandre. On n'a pas renouvelé cette gamme-là. J'étais certain, là, moi, il y a 2 ans, que le Veloster disparaîtrait. Là. C'est ça. Mais là, tu vois, il arrive là. Je m'en vais d'ailleurs la semaine prochaine l'essayer à Montréal. Bon. Parfait. Sauf que on a aussi profité du Kona N pour dire qu'on voulait lancer une gamme N Sport. Mm-hmm. Ça, c'est un peu comme les S-Sport chez Audi. C'est des véhicules qui n'ont pas nécessairement la mécanique de la N, mais qui ont l'apparence. OK. T'sais, fait qu'on va vendre des kits d'esthétique pour avoir quelque chose de N Sport chez Hyundai. Des jupes et des choses comme ça là, Ouais, pour c'est ça. donner une Tout allure là, ouais. moi t'en acheter une à fleurs, une belle jupe à fleurs et puis Ah, tout. ça va être tellement beau sur j'ai pas de Hyundai par exemple, ça fait-tu ce ma Leaf? Non, je parlais plutôt de vraies jupes dans ton Ah, cas, mais en non, tout bon. Correct. cas. Ben, c'est un podcast, hein. Je pourrais m'habiller comme je veux, personne ne saurait. Exactement. Dans la série des nouvelles, autres nouvelles, Mazda qui a sorti le CX-3 2019, qui arrive là, d'ici quelques semaines chez les concessionnaires. Un CX-3 qui avait été dévoilé à New York, mais de façon un peu étrange, parce qu'il n'était pas là. Il n'y avait que des photos au salon de New York. Donc, on nous avait présenté ce qui était là, mais juste en nous le disant, là, c'est vrai, le véhicule arrive, il y a des changements, changement de calandre, changement un peu à l'extérieur, changement à l'intérieur beaucoup parce que on a éliminé le levier de frein à main. C'est maintenant un frein à main électronique. Et ce que ça permet, donc, c'est d'avoir beaucoup plus d'espace à l'intérieur de la console centrale. Donc, on a redessiné la console centrale, on a amélioré certains des matériaux, un peu comme on l'a fait avec la totalité des autres véhicules chez Mazda. On a remodelé, dit-on, un peu le moteur. C'est le Skyactiv G 2 litres qui est sous le capot. Il fait maintenant 148 chevaux, coupe de 146 livres-pieds. Donc, c'est un moteur. Et bien sûr, le Skyactiv n'a pas ça. Le contrôle vectoriel des forces G, c'est toujours un peu compliqué à dire, là. C'est le système de Mazda qui permet d'avoir une meilleure direction, d'avoir un meilleur contrôle, et ça fonctionne vraiment bien. J'ai eu l'occasion de l'essayer. On a aussi remodelé complètement la gamme, ben, complètement. On a rajouté des options, enlevé des options, modifié des options. Tu sais, maintenant, on arrive avec un système de surveillance de la pression des pneus, même sur les versions de base, par exemple. OK, ce qui est bien. Oui, un système de surveillance des angles morts, dispositif d'alerte de trafic transversal, même sur la version de base. Des trucs comme ça. T'sais, évidemment, caméra de recul, ça, on n'a pas le choix, mais on est là quand même. Et là, on ajoute au fur et à mesure toutes sortes d'affaires. Et bien sûr, à la toute fin, on peut aussi ajouter le Eye Active Sense, qui est le groupe, je dirais, le groupe d'instruments de sécurité qui vient chez Mazda. Donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant pour les gens qui veulent le faire, sauf qu'évidemment, ça peut augmenter le prix un peu. Ouais, Bref, c'est certain. le CX-3 va être là dans quelques jours, quelques semaines à peine chez les concessionnaires Mazda. C'est un beau petit véhicule, le CX-3. J'ai beaucoup de Ouais. gens qui me disent, ah, tu sais, je me magasine un VUS, puis le Mazda m'intéresse beaucoup parce que, bon, ça reste un peu dans la tête des gens, l'espèce de petite sensation vroom-vroom, là. Tu sais, le Mais c'est plaisir de vrai aussi. conduite. Oui, n'importe quel véhicule Mazda, tu as toujours un petit peu de Miata dedans ou de MX-5 dedans. Même les gros, là, le CX-9 que j'ai conduit brièvement, que je vais avoir au mois de juillet, là, je pense, même pas au mois de juin, tu as cette sensation-là. Fait qu'ils sont capables de mettre une bonne sensation de conduite, même dans les plus gros véhicules, ce qui est des fois un tour de force, là. Oui, non, effectivement. Sauf que c'est sûr que le défaut du CX-3, c'est l'exiguïté de son espace de chargement. Oui. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. Non, ça c'est certain, mais C'est, tu sais. c'est un peu le problème des véhicules de cette gamme-là. Mais oui, le CX-3, c'est un peu étriqué l'espace de chargement à cause un peu du design probablement de la porte arrière du haillon, là, puis de Exactement. l'arrière de la voiture qui descend vraiment comme t'sais, plus en angle, puis ça donne une allure vraiment incroyable, mais t'sais, ça se paye à quelque part, puis c'est un peu dans l'espace de chargement. C'est ça. Non, c'est fait comme une poire un peu, C'est là. ça. Mais tu sais, on n'achète pas ça pour aller faire du camping la fin de semaine. C'est pas nécessairement ce genre de véhicule-là. C'est plus un Non. VUS de ville, là. Donc. C'est ça. C'est un CUV qu'on disait. C'est ça. C'est ça. Si on continue, on parlait d'hybride tantôt. Ben, tu serais heureux d'apprendre que la Honda Insight va revoir le jour. On avait vu dans plusieurs salons jusqu'à maintenant. Et là, on a officiellement lancé la production de cette Honda Insight, une troisième génération. C'est drôle parce que c'est une auto qui a toujours été, comment je peux dire, ça a Boudé. toujours, ouais, pas boudé, mais ça a toujours été un design un peu particulier. Ouais. Rappelle-toi la première version qui était un deux passagers avec les roues arrière recouvertes. C'était pas de toute beauté, tu sais. Ouais. La deuxième était mieux réussie, mais encore une fois, c'était pas spectaculaire. La troisième, Elle est un peu mieux. Moi, je la trouve beaucoup plus belle. On utilise vraiment ce qui ressemble à la nouvelle Civic et à la nouvelle Accord. Les phares en avant sont un peu particuliers. Mais bref, on va voir ce que ça va donner. Ce qu'on nous dit, c'est qu'elle devrait faire 4,3 litres au 100 de moyenne. Un moteur 4 cylindres, 1,5 litres, Atkinson. Donc, ça devrait être une bonne position pour elle, bien que. Je ne sais pas trop où elle va se positionner en termes d'espace parce qu'elle est plus grande que la Civic, mais plus petite que l'Accord, semble-t-il. Ok, comme un entre-deux un peu, Ouais, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour le moment, on n'en est pas là, c'est là. Ouais, parce sûr. que la Insight, c'était la compétitrice originale de la Prius, là. Il y avait vraiment ces deux véhicules-là, puis la Prius a pris de l'ampleur, puis la Insight, tranquillement, ça a comme... T'sais, Effectivement. ça n'a jamais été le modèle populaire, là. C'était vraiment comme marginal. T'en voyais une fois de temps en temps, là. Mais tandis que des Prius, ça sortait... Ça sortait en lot assez incroyable. C'est le fun de voir que Honda va revenir. Puis il y a un marché maintenant beaucoup plus présent pour les voitures hybrides, hybrides rechargeables et tout ça. Donc la Insight, qui n'avait pas nécessairement sa place il y a quelques années, va l'avoir probablement présentement. Puis il y a des fans de Honda qui attendent juste ça, probablement, là, d'avoir un véhicule comme ça. Fait qu'on va voir ce Ben, que c'est ça va sûr. donner. Ouais. Oui, puis Honda est en train de donner une marque cool, là, fait qu'on verra ce que ça va donner. Ouais. Ils ont fait un beau travail avec les derniers designs. Fait qu'on va espérer que ça continue. Exactement. Dans la série des nouvelles dont Martin Archambault va se réjouir, évidemment, c'est probablement l'annonce, ben, l'annonce, en tout cas, l'intention lancée par le ministre des Transports, de l'Énergie et des Ressources naturelles, cette semaine, Pierre Moreau, qui dépose un projet de loi pour améliorer le nombre de bornes de recharge. Dans la province de Québec, il voudrait en rajouter 1 600. Ce serait Hydro-Québec, cependant, qui serait en charge de cette implantation-là. On parle d'un investissement de 130 millions de dollars. Évidemment, ça ne se fera pas dans une seule année, ça va se faire sur plusieurs années, mais on estime là, qu'avec ça, on serait capable d'aller chercher jusqu'à 1 million de véhicules électriques dans une douzaine d'années. C'est ce qui serait quand même assez exceptionnel et on dit que c'est la multiplication des bornes de recharge qui va définitivement contribuer à améliorer ça, ce qui est tout à fait exact d'ailleurs, il faut le Ouais. dire. Puis ils veulent augmenter le nombre de BRCC aussi, des bornes à recharge rapide, là. Mais c'est ça qu'on parle, là. Quand on parle de OK, 1 600, c'est c'est ça, ça. là. Des bornes à recharge rapide, ça va faire du bien parce que c'est ça qui est. Des bornes régulières, il y en a beaucoup. Oui. Des bornes de recharge rapide, ce que les gens veulent quand ils font des plus grands voyages, là, se déplacent plus loin, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas attendre 1 heure pour recharger, ils vont faire une recharge d'une demi-heure, 45 minutes, vont repartir, puis au pire, charger un petit peu plus loin encore. C'est ça. Charger des fois plus souvent, mais moins longtemps. Mais c'est ça. Ça va faire du bien, là, parce que. Mais quoi qu'à date, personnellement, j'ai une Leaf avec un port de recharge rapide, puis le port de recharge rapide n'a jamais été utilisé à date. Fait que Oh non? je vois jamais assez loin, non. Ouais, mais c'est ça, tu t'en sers pas pour aller loin. Je peux toujours me rendre où je veux sans faire la recharge rapide. Mais à un moment donné, il va falloir que je l'essaie. Il fonctionne-tu? Ouais, Quand ça même. serait une bonne idée. Ça serait une Ce bonne idée, serait pas pire. effectivement. Fait que c'est ça. Donc, il y en aura 1 600, dit-on, mais là, le projet de loi est à l'étude actuellement. On va voir ce que ça va donner, mais ça devrait fonctionner. Il n'y a pas trop de Ouais, problème. en passant aussi, parlant de justement de bornes de recharge électrique, c'est aujourd'hui que la loi tombe en vigueur pour les voitures à essence et les voitures électriques qui s'amusent à se stationner dans des espaces de voitures électriques pour recharger et ne. Ben, si t'es une voiture à essence, tu ne peux pas recharger. Ta batterie 12 volts, tu ne recharges pas là-dessus. Je suis désolé de péter ta balloune si tu pensais. Et les voitures électriques qui sont délinquants et qui se stationnent VIP. Dans un stationnement de borne de recharge, parce que normalement c'est proche de la porte, hein, c'est tellement bien. Eh bien, il y a des amendes maintenant à partir d'aujourd'hui, donc Ouais, ben ça. j'y arrivais en fait Ah, parce ok. que c'est pas la seule loi qui change aujourd'hui. Non, il y en a d'autres, mais. C'est aujourd'hui que rentre en vigueur la plupart des nouvelles réglementations qui ont été proposées par le ministre des Transports récemment quand il a modifié le code de la sécurité routière. Par exemple, au niveau des cyclistes, il y a des modifications. Ils ont maintenant le droit de passer sur une lumière rouge. Ah, ben il faisait déjà, fait que ça change pas grand-chose. Ouais, mais là, il n'y avait pas le droit. Là, ils l'ont. OK. Ils doivent d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de. C'est les piétons qui ont priorité. OK. Alors, s'il y a des piétons puis un vélo, ce sont les piétons la priorité. Ils sont aussi, bon, admissibles à les cyclistes ont le droit de circuler sur les rues, mais évidemment, il faut que ce soit la bonne ligne. Puis, ils ont aussi ils ont pas le droit d'avoir des headphones sur la tête. Ils n'ont pas le droit d'avoir des écouteurs sur la tête. Ouais. Ça, c'est un peu dommage, par exemple, parce que c'est le fun d'aller faire du vélo sur une piste cyclable avec un petit peu de musique, là, des fois quand tu vas loin, là, mais bon, il faut Ouais, s'adapter. Exactement. C'est aussi aujourd'hui que les détenteurs de permis temporaires et probatoires sont soumis à des nouvelles règles, notamment un couvre-feu de nuit. Ceux de 19 ans et moins peuvent avoir seulement un passager entre minuit et 5 heures. Bref, il y a un paquet de changements. Les fameux pneus d'hiver qui, maintenant, à partir de 2009 seulement, 2019 seulement, vont être officiers obligatoires à partir du 1er décembre et non plus du 15. Tu sais, il y a toutes sortes de changements comme ça, incluant ceux dont tu as parlé, bien entendu, au niveau des voitures électriques. Et le dernier, mais non le moindre, c'est ceux qui ont le téléphone cellulaire en main. Maintenant, c'est 600 $ Ouch. Le prix d'un l'amende, téléphone neuf, finalement. alors que c'était 300 avant. Et c'est 5 points de démérite. C'est, après ça, ça se peut que tu perdre tes licences en fait, après la première fois, tu perds tes licences 3 jours. La deuxième fois, c'est 7 jours. Et la troisième fois, c'est 30 jours. Bon, fait qu'on rend ça encore un peu plus agressif parce que ça semblait plus une suggestion qu'une loi C'est dernièrement, ça. là. Je vois tellement de monde avec leur téléphone, ses oreilles. Puis tu regardes, c'est drôle parce qu'on, t'sais, on connaît un peu ça. On regarde le modèle de l'auto puis on se dit, ben, toi, tu as du Bluetooth dans ton auto. Tu n'as aucune C'est ça. raison d'avoir le téléphone sur l'oreille, là. Non. T'sais, je comprends quelqu'un qui a une Kia 2002, là, peut-être, là, Même à ça, mais. moi. Mon fils, là, actuellement, bon, quand il y a eu son autre voiture, il s'est arrangé pour avoir le Bluetooth à l'intérieur. Mais avant ça, on y avait acheté un système aftermarket, là. Je Ça peux-tu s'achète, là. te dire? J'y avais donné le Oui, mien. effectivement. J'avais une petite chose quand j'avais ma Mazda 3, justement, j'avais acheté un kit que tu mets après ton pare-soleil, puis ça fait le Bluetooth. C'est juste dommage parce que ça jouait pas la musique en Bluetooth, mais c'était bon pour des appels. Puis quand j'ai acheté des voitures qui avaient tout du Bluetooth dedans, mais j'avais demandé si ton fils le voulait, puis il l'avait pris. Puis ça fonctionne très bien. Mais c'est ça, c'est des choix qu'on a. Puis à un moment donné, à 600 $, ça vaut peut-être la peine d'investir un 50-60 $ pour un kit main libre pour votre auto. Ça serait pas méchant. Exactement, mon cher. Super. Exactement. Puis aussi, il y a des changements pour les permis de conduire de motocyclistes. Ceux qui sont apprentis motocyclistes ou qui viennent d'avoir leur permis avant, il fallait qu'ils soient toujours accompagnés. Puis maintenant, ça sera pas le cas, mais vous allez avoir un couvre-feu comme pour les automobilistes, là. Vous ne pouvez pas conduire à partir d'une telle heure, mais vous êtes plus obligé d'être accompagné pour aller vous promener puis prendre de l'expérience finalement, là. Fait que ça va être ça aussi c'est changé. Donc Marc, Effectivement. on va terminer là-dessus avant que tes chiens pètent une coche parce que présentement ils ont l'air d'avoir vu le facteur puis ils veulent aller le manger. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben écoute, sur mon blog marcbouchard.ca, sur ma page Facebook, bien sûr Marc Bouchard, sur Twitter c'est Marc souligné Bouchard, c'est pas le meilleur endroit. Et bien sûr à info@saroulradio.com, c'est un endroit où on reçoit tous les demandes. C'est en plein ça. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le compte Ça Roule Radio aussi qui est à Ça Roule Radio. La page Facebook, Ça Roule Radio. Et puis aussi, ben, vous pouvez nous voir sur saroulradio.com. Vous pouvez même écrire des commentaires sur les émissions. Vous pouvez écrire là. Et puis, vous pouvez nous écouter sur iTunes, Google Play et sur sportradio.ca et Radio Média Plus. Donc, Marc, merci encore une fois d'avoir fait cette émission Ça me fait plaisir, mon avec cher. moi cette semaine. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine, bye bye.